Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, c'est le nom de l'émission, le poste d'écoute, un petit peu comme Sylvestre le chat. Je m'appelle Mathieu Plante et bienvenue à l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. C'est ce qu'on va faire pendant 3 heures, déballer des CD, les entendre, voir si c'est bon, voir si c'est pas bon, est-ce que ça pourrait être dans les palmarès, est-ce que ça fit très très bien dans notre bac à recyclage, c'est ce qu'on va voir. On a reçu un nouvel album de Monsieur Mono, on a reçu aussi le nouveau A Fine Frenzy, quelque chose d'intéressant, ça s'appelle The Tom Fun Orchestra, mais on commence ça par le nouveau EP du Roi Poisson, un très bon groupe que j'entends souvent assez fou, entre autres dans certaines émissions francophones, dont La Dernière Porte à Gauche. Donc le Roi Poisson, là, hippie de 4 pièces, on s'en va entendre un nouvel instru et ça se passe tout de suite dans le poste d'écoute au 89.fm, dans vos oreilles. Crois le vivant, gros minet.

pour qu'il soit fier. Puis il y a deux enfants qui vont apprendre de lui, il est pas passé pour rien. Les trois premières pièces du nouvel EP du Roi Poisson. On vient d'entendre Ouvrier précédé de Premier Rang et on a commencé ça par Nouvel Instru. La pièce qu'on vient d'entendre, Ouvrier, c'est pas la première fois qu'elle joue assez fou. L'émission La Dernière Porte à Gauche, les vendredis soirs à 20h, elle a fait jouer souvent et c'est une pièce qui m'a accroché. J'avais vraiment hâte d'entendre quelque chose d'autre d'eux et c'est très très bon. Malheureusement, seulement 4 pièces. On a entendu les 3 premières. On pourrait bien passer la première demi-heure de l'émission au complet sur le Roi Poisson. Mais on doit passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, parlons du Roi Poisson. C'est un groupe d'électro-rock-pop de Montréal. Leur EP sera disponible le 27 février. 4 pièces et un clip pour la pièce Ouvrier. Pièce qui se retrouve aussi sur le MySpace au myspace.com/leroipoisson. Donc, le Roi Poisson, c'est Giro Macro au synthétiseur, trompette et voix. J.V. Truitte à la guitare, synthé et voix. P.A. Brochette, guitare, basse et voix. Oli Flétan, batterie, séquence et voix. Et Joe Barbotte, basse, guitare, synthé et voix. Leurs influences sur leur MySpace, ça dit « Les gens veulent qu'on nomme des bandes, des villes, des écrivains. Pourquoi pas des couleurs? Notre musique est mauve, tachée avec du rouge sang. On prend ce qui est ringard et on essaie de faire mieux. Le disco, évidemment, les bonnes choses aussi, le new wave, le dance rock, le rock tout court, la chanson, la musique électronique. » Dans leur Sounds Like sur MySpace, ça dit « De la musique éclectique créée à Montréal par des gens de partout ailleurs, des clins d'œil, des sonorités du 21e siècle, le consensus musical de 5 personnes foncièrement différentes, du pop-rock joué avec le sourire, du progressif metal suédois quand Jérôme n'est pas là. » Vous pouvez devenir fan du Roi Poisson sur Facebook, passer par leur MySpace ou taper sur Facebook le Roi Poisson. Le Roi Poisson existe depuis le printemps 2006. Après des débuts plutôt chaotiques où les pratiques étaient rares, voire inexistantes, il a fallu l'annonce d'un spectacle pour réellement se motiver à monter des pièces. C'était en octobre 2006 et ça se passait au Café Soho. Depuis, nous avons fait plusieurs spectacles au Divan Orange, Petit Campus, Quai des Brumes, le Metric, allant même jusqu'à se produire en Abitibi, à Rouyn et à Val-d'Or. Jusqu'à maintenant, notre plus grand succès a été de se faire annoncer comme prometteur dans le journal Voir. Le Roi Poisson se démarque surtout par son nom, car il est le seul à l'avoir, disent-ils. Musicalement, c'est assez éclaté. Chaque membre a ses propres influences, qui vont du death metal au disco, en passant par Jerry Boulet. Ça reste malgré tout très cohérent, en évitant de jouer dans les extrêmes. Ça peut faire danser, réfléchir, grimacer, sourire. Donc, est-ce unique? Comment ne pas l'être? Même les meilleures reproductions de clichés sont en quelque sorte uniques. Pour ceux qui veulent des références, eh bien, un étrange personnage en Abitibi nous a comparé à Emerson, Lake & Palmer et The Mothers of Invention. Sincèrement, ce gars-là a rien compris. Ceux qui ont vu le Roi Poisson durant sa première année d'existence ont pu assister au délire électro-trash de Matt Méné, Mathieu Arsenault, qui offrait toujours d'époustouflantes performances scéniques du moins. Mais il ne se sentait pas totalement épanoui au sein du Roi Poisson et il quitta le navire durant l'été 2007. Depuis, Joe Barb Hutt est arrivé et la chimie s'est installée. Aussi instable que soit-il émotionnellement, Joe a apporté une certaine stabilité au groupe qui peut désormais se concentrer sur sa musique. Pour la nouvelle année, le Roi Poisson espère attirer l'attention des gens et des médias sur sa musique en misant sur la qualité des pièces plutôt que sur l'attitude. C'est un fléau, dit-il. D'ailleurs, avoir un nom de groupe nous permet de ne pas mettre nos faces sur Internet. Tant mieux, maintenant que le EP est terminé, on aimera pouvoir le présenter un peu partout au Québec. On espère que le bouche à oreille fera son œuvre, mais si personne n'achète l'album ou ne vient au show, on n'est pas plus d'avance. Et si les spectacles de 2008 permettent au groupe d'éponger le déficit du EP, alors ce sera une année de réussite. Voilà, c'est leur texte. Si vous voulez en savoir plus sur le Roi Poisson, rendez-vous au myspace.com/leroipoisson ou passez par le site de l'émission où se retrouvent tous les liens. L'émission d'aujourd'hui, c'est au www.unechance.com. On passe à The Tom Fun Orchestra. Voici leur album You Will Land With a Thud. C'est un groupe canadien et voici la pièce When You Were Mine dans le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. I loved you all like you were mine. Like I birthed you from some greasy crevice on my underside. I hooked you when you were fresh in your newborn goo and tickled your slimy feet. Then I cleaned you with a towel and I sat you in a satchel. Placed bug-eyed goggles on your faces and magnifying glasses in your tiny hands. I slung you from my slingshot, sending you to different places to get a closer look at foreign land. So you could tell me what the Ukrainians do in their backyards, if the ground in Syria looks like it's hard. When you flew over Siberia, did the wolves look hairier? Did the fish near Newfoundland sleep half an hour earlier? From my slingshot so that you could fly like a bird is fly. Peek through your looking glass so that you could spy like I spied when I was a spy. Autre pièce du Tom Fun Orchestra, après la pause, dans le poste d'écoute. Vous synthonisez le poste d'écoute et voici une deuxième pièce du Tom Fun Orchestra, Rum'n Tequila! Come on, Rum'n, I got my tequila, got somewhere to be. Come on, Rum'n, I got my tequila, got somewhere to be. Shine a black glass in those FBI shoes. Make me an offer, I got nothing to lose. Shine a black glass in those FBI shoes. Make me an offer, I got nothing to lose. Yeah. Double-breasted pockets and an axe in the shed. Pale Asian twins sleeping in my bed. Double-breasted pockets and an axe in the shed. A pale Asian twin sleeping in my bed. Yeah. Turning out tricks, tickets laying eggs, but there ain't no chicks. Wheel of Fortune's turning out tricks, tickets laying eggs. to a dead end job. Teach you how to be a middle class love. I got first class tickets to a dead end job. Teach you how to be a middle class love. Coming from and I got my tequila. Got somewhere to be. Coming from and I got my tequila. Got somewhere to be. Les trois premières pièces qui ouvrent donc l'album du Tom Fun Orchestra, You Will Land With a Todd. On a reçu ça cette semaine assez fou. C'est bon? Mm-hmm. Throw Me to the Rat, c'est la pièce qu'on vient d'entendre. Justement, c'était Rum and Tequila et on a commencé par When You Were Mine de Tom Fun Orchestra de Sydney en Nouvelle-Écosse, un groupe de soul western swing post-punk. Mm-hmm. Leur site web, c'est le myspace.com/TomFunOrchestra ou encore le tomfun.ca. Tom Fun Orchestra, c'est un ensemble de rock hein, de 9 personnes qui vient de Cap-Breton, qui, selon leur document de presse, impressionne les fans de musique et les critiques avec leur présence là en spectacle, leur spectacle rempli d'énergie. Violon, banjo, accordéon, trompette, double basse, guitare électrique, batterie. Ça dit que ça redéfinit ce que les gens pensent de la musique de la côte est canadienne. Leur CD complet sera disponible le 26 février. Pour l'instant, leur EP est disponible sur iTunes. Et selon Gordon Gano des Violent Femmes, ce band va exploser dans le futur. Donc lui, il aime beaucoup ça. Donc de Cap-Breton, de Tom Fun Orchestra, leur album You Will Land With a Todd. C'est tout nouveau, on l'avait jamais entendu avant. C'était la première fois à vie. On continue avec Monsieur Mono. Petite musique de pluie, c'est son nouvel album. Une enivrante petite musique de pluie, selon le document de presse. On va l'entendre tout de suite. La première pièce qui ouvre l'album, parce que c'est le principe de l'émission, c'est le poste d'écoute. On écoute tout pour la première fois et on y va dans l'ordre tel que... Comment je pourrais dire? Tel un poste d'écoute. Un petit peu de misère avec ma langue aujourd'hui. Faut me pardonner. Monsieur Mono, tout de suite. Et dors, mon amour. Dors, mais vous ne dormez pas. Vous écoutez le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est dans vos oreilles. Dors, mon amour, dors. Dors, mon amour, dors. Laisse le monde à son triste sort. Et rêve, mon amour, rêve. Rêve, mon amour, rêve. Que les vents de la peur se C'est fou à l'UQTR, R, depuis 10 ans, 10 ans. 4-4-89-1-1. Est plus noir que le mien, précédé de Souveraine souterraine et de Dors, mon amour d'or, les trois premières pièces du nouvel album de Monsieur Mono, album qui s'appelle Petite musique de pluie. Parlons un petit peu de Monsieur Mono, une enivrante petite musique de pluie, dit son document de presse. 3 ans après Pleurer la mer morte, ce disque indépendant plusieurs fois réédité, Monsieur Mono fait paraître à l'enseigne Audiogramme Petite musique de pluie, fruit d'une introspection ludique et amoureuse. Un album au titre évocateur qu'on dirait en effet traversé par la musique de l'averse, le rythme insistant de ses doigts sur la vitre. On savait déjà Monsieur Mono capable d'une douceur un peu rugueuse, d'une poésie attentive aux échappées du quotidien, mais sans doute ne s'est-il jamais exprimé à ce point sur le ton de la confidence. Ici, le leader des chiens contient plus que jamais ses hurlements, laissant doucement crier les images de ses textes sobres, imagés qu'il a tous signés lui-même, sauf « Comme en temps de guerre » écrit en collaboration avec Manuel Laroche et sur lequel Ariane Moffat posera sa voix, et « L'espace d'une fille », une reprise de Jacques Dutronc, qui prend ici un relief étonnant. Arrangé et réalisé par Monsieur Mono lui-même, qui a enregistré plusieurs des pistes à la maison, Petite musique de pluie n'en porte pas moins la signature de plusieurs complices, dont Ghislain-Luc Lavigne, Marie-Soleil Bélanger et Marc Ouellette qui dirige un quatuor à cordes formé d'Olivier Thouin, Christian Prévost, Brian Bacon et Carla Antoun. Rompu à l'exercice du studio, on connaît la qualité de son travail de réalisation auprès des Vincent Vallière, Yann Perrault, Jean-François Fortier ou WD40. Monsieur Mono a su créer une enveloppe musicale texturée, très riche, qui fait une large place à la guitare acoustique, au piano et aux cordes. Instrumentation métissée de couleurs électro très vintage, qui s'appuie principalement sur un clavier Jupiter 4 d'origine, la grande vedette de l'album dira en riant Monsieur Mono. Cette chimie confère à Petite Musique de Pluie un côté minimal qui n'empêche pas l'amplitude, le planant. À ce titre, une bonne partie des pistes de voix et quelques instruments, oui, ont été enregistrés à l'église Saint-Joseph de Montréal. Petite Musique de Pluie, une vibrante aventure intérieure qui déploie ses teintes loin dans l'espace. Passe. Si vous voulez en savoir plus sur Monsieur Mono, allez voir le site du poste d'écoute, c'est le www.unechance.com ou allez directement sur le monsieurmono.com, monsieur écrit au complet. On va terminer cette première heure du poste d'écoute avec The Super Fantastic, mais avant, petit résumé de ce qu'on a joué dans la première heure. On a entendu pour commencer le Roi Poisson avec le hippie numéro 1. Ensuite, c'était The Tom Fun Orchestra avec You Will Land With A Todd. Et on vient d'entendre Monsieur Mono avec Petite Musique de Pluie. On termine ça par The Super Fantastic. Leur album, c'est Choose Your Destination. C'est un EP de seulement 5 pièces et on commence ça par Turn On Me dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Restez là parce que la deuxième heure s'en vient avec, entre autres, un homme qui s'appelle Gérald Gentil. Gérald Gentil. closed our eyes and already we're running late. I never was one for Nancy Drew books. Eric Wilson never did much for me. But with the words on our tongues, we write our own mysteries. Nothing could be better.

Quelques fantômes s'y installent, les yeux hagards et le temps pâle. J'habite en face de l'hôpital, mais j'entends jamais les gens qui ont mal. À chacun ses corbeaux, j'ai dans mon ciel des hélicos. J'habite en face de l'hôpital. Un gros bloc de béton glacial, transpercé de lits et longs couloirs. Je sais qu'il y glisse des brancards. Il doit y avoir une chapelle. On y prie le dieu du scalpel. Dans les mains tremblantes des pèlerins, une prière pour que tout se passe bien. J'habite ici et chante bleu, bleu, bleu. De ma vue sur ces HU, dans mes cauchemars, ça continue. Le gyrophare du SAMU, pourquoi j'ai pas une maternelle? La piscine municipale, où les gens nagent dans la joie, où les gens parfois se noient, et on les retrouve à l'hôpital, où se jouera mon ultime bataille. J'aurai ma chambre impersonnelle et du sommeil artificiel. À ma fenêtre sans balcon, une dernière vue sur pavillon. Je m'y pencherai nu comme un ver et deviendrai ce papillon capable d'atteindre la lune pâle. Guider enfin cet hôpital. Je mange une fois pour toi, je mange une fois pour toutes, et toi tu doutes de moi. Quand arrive le mois d'août, je devrais être heureuse, mais les filles de la redoute me rendent frileuse. Alors je dis et je redis, je remets radis, hardi, je ne suis plus en hypoglycémie. Mais je voudrais te plaire, être un peu plus légère, me fondre enfin dans l'air du temps qui passe et me rend lasse de prendre de plus en plus de place. J'ai peur que tu me remplaces. Oui, c'est sûr, si de plus en plus il m'aime, de toute façon j'ai pas le choix. Si ma balance craque, si je craque, il me balance. J'irai jusqu'au zéro, jusqu'à devenir particule, avec un supercule, pour que mon Hercule me trouve particulièrement. Te plaire, être beaucoup plus légère, me fondre enfin dans l'air du temps qui plus en plus de place. J'ai peur que tu me remplaces. Je ne mange plus du tout, j'ai même plus faim, c'est fou. Il n'y a plus qu'en tombant dans les pommes que je retrouve mon homme. Tous les jours je perds des plumes, j'effleure à peine le bitume. Et les jours de grand vent, je m'accroche aux passants. Moi qui voulais te plaire, être beaucoup plus légère, me fondre enfin dans l'air, dans l'air du temps. Et me rendait las de prendre de plus en plus de place. J'avais peur que tu me remplaces. Gérald Gentil, la pièce Plaire, précédée de L'Hôpital et de Mon prénom c'est Gérald, de Page Gérard. Les trois premières pièces de l'album Le plus grand chanteur de tous les temps de Gérald Gentil, ce français qui fait dans la comédie et dans la musique. Originaire de Belfort en France, le jeune auteur-compositeur-interprète Gérald Gentil sera de passage au Québec à la fin février pour nous faire découvrir son univers déjanté, peuplé de caïmans, d'avions, de moudjahidines et de filles prêtes à tout pour plaire. C'est en participant aux vitrines de la Francofête en Acadie en novembre dernier que Gérald Gentil a fait la rencontre du groupe québécois Trois Gars sur Sofa, très apprécié, assez fou d'ailleurs. Le courant a vite passé entre les artistes à un tel point que les gars ont invité Gérald Gentil à ouvrir pour quelques dates cet hiver. Accompagné de sa guitare, Gérald Gentil présentera quelques chansons puisées à même ses albums Humble Héros, paru en 2004, et Le plus grand chanteur de tous les temps, lancé récemment au Québec sous l'étiquette Music to Music et en France sous Wagram. De l'autre côté de l'Atlantique, où sa popularité ne cesse de croître, l'artiste s'est produit en première partie de Trio et de Benabar. Surtout, méfiez-vous, c'est le document de presse, il a beau avoir une tête de Beach Boy, une voix au perché et un goût prononcé pour les jeux de mots et les calembours, vous pourrez constater que ses chansons, en apparence légère, ne sont pour autant pas dépourvues de gravité. Donc, l'auteur-compositeur et interprète français Gérald Gentil sera en spectacle au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, campus Rouyn-Noranda, le 20 février à 21h et à midi au campus Val-d'Or du même cégep. Il va être le 27 février à 20h au Vieux-Saint-Pierre de Victoriaville et le 28 février à 20h à la salle Jean d'Esprez de Gatineau et le 1er mars, à 20h au Centre culturel de Belleuil. Il va aussi être en spectacle au Vert-Bouteille, ça en fait beaucoup, là, à Montréal le 18 février. Et ce, le 18 février, c'est dans quelques jours à peine. Donc à 20h30 et ne manquez pas cette chance de découvrir avant tout le monde cette bête de scène capable de, dans un même souffle, d'être rigolo, touchant et mordant, c'est ce que dit son document de presse. Son site web est au géraldgentil.com, gentilgenty.com ou le myspace.com/géraldgentil. Vous pouvez aussi aller voir Music to Music sur le myspace.com/les disques music avec un K, tout le chiffre 2, music.com. Question de se compliquer la vie là, pour les gens, pour retenir les adresses. Là, bravo, Music to Music, c'est très très réussi. Un petit peu de sarcasme ici. On passe à quelque chose d'anglophone. Et si je me rappelle bien, on a déjà reçu un album de Fine Frenzy ici dans le poste d'écoute. Et je me rappelle que j'aimais pas tellement ça. On va voir si ça a changé. Leur nouvel album s'appelle One Cell in the Sea. C'est peut-être pas mon genre de truc, mais peut-être que c'est le vôtre. Voici la pièce Come On, Come Out. Allez, sors là. Allez, sors. Écoute le poste d'écoute au 89.1 FM dans tes oreilles. A spot in the shadow. Fine Frenzy, l'album One Cell in the Sea. On vient d'entendre les deux premières pièces, The Minnow and the Trout, précédées de Come On, Come Out. Donc, Fine Frenzy, c'est Allison Soudal qui joue dans l'alternatif indie. Elle vient de Los Angeles en Californie. myspace.com/AFineFrenzy ou encore AFineFrenzy.com. Elle est sur Virgin Records. Gros document de presse, grosse biographie sur Fine Frenzy. Je vais vous laisser aller vous renseigner vous-même parce que bon, moi, je trouve ça un petit peu pas super à mon goût. Mais Fine Frenzy, c'est un style. L'album s'appelle One Cell in the Sea. On passe à Michel Brûlé, qui a une histoire plutôt fascinante derrière lui-même. Titulaire d'une maîtrise en création de l'Université McGill et d'un certificat en éducation, il roule sa bosse au Québec en enseignant le français au secondaire et à l'éducation des adultes avant de se retrouver à Fredericton, où il est chargé de cours à l'Université du Nouveau-Brunswick. Je vais vous lire un extrait de sa page sur Wikipédia, parce qu'il y a une longue histoire avant ça, qui est aussi très intéressante, mais quand même, on passe à 2005. Michel Brûlé fait l'acquisition de Langto Éditeur, mais l'année suivante se révèle des plus désastreuses. L'homme de 43 ans encaisse deux échecs retentissants. Lancé à un mois d'intervalle, le journal Mire.com, un hebdo culturel et politique en ligne, cesse ses activités après cinq mois d'existence et le bar culturel Planète Libre rend l'âme trois mois plus tard. Mine de rien, un demi-million de dollars s'envole en fumée pour lui. L'année 2007 a mal commencé avec le roman Laura l'Immortelle qui s'est avéré être un plagiat. Marc Cassivi, qui a fait de Michel Brûlé sa cible préférée, en a profité pour lui faire porter tout le blâme, mais l'éditeur a fait tourner les choses en sa faveur avec la publication d'Évangeline et Gabriel qui a été couronnée de succès. Cette même année, Langto Éditeur est devenu les éditions Michel Brûlé, et Michel s'est aussi fait connaître comme écrivain avec la publication en 2003 de L'enfant qui voulait dormir qui a été traduit en 12 langues. En 2007, en septembre, il met en ligne un nouveau site internet, lesdentsduquebec.tv, un genre de YouTube qui propose un contenu québécois créatif, humoristique et politique. 25 janvier 2008, Christiane Charette de Radio-Canada reçoit en ondes Michel Brûlé, oui, pour l'annonce de son premier album de musique, Tu zappes ta vie, que j'ai entre mes mains. Accompagné au piano, il interprète sa première performance devant public, une chanson de son disque engagé, festif et puissant, tout à l'image du personnage. L'album est réalisé par Gilles Brisebois. Les paroles sont bien sûr de Michel Brûlé. L'album offre plusieurs chansons en langues étrangères, dont le russe, l'allemand et l'espagnol. Voilà qui est très intéressant. On va entendre une pièce de son album Tu zappes ta vie, voici Michel Brûlé, et là où il y a des hommes. Dans le poste d'écoute au 89.1 FM, dans vos oreilles. Il y a des hommes. We'll be right back. Vous synthonisez le poste d'écoute. Et tout de suite, voici une deuxième pièce de Michel Brûlé. Chin chin! Chin, précédé de Là où il y a des hommes, du nouvel album Tu zappes ta vie de Michel Brûlé, le professeur, enseignant, devenu éditeur, devenu chanteur, comme ça. Donc, l'album Tu zappes ta vie, Michel Brûlé. On passe du francophone à l'anglophone. Comme toujours, on zigzague entre les styles musicaux et entre les langues dans le poste d'écoute, l'émission qui écoute les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous en direct à la radio. C'est tous les disques qu'on a reçus pendant la semaine assez fou, qu'on n'a jamais entendu. On les écoute avec vous. Vous êtes donc pas chanceux. Hein? C'est beau. On passe à World of Science. Leur nouvel album, c'est Make Out Music by World of Science. Et tout de suite, voici You're So Handsome. Ça semble être écrit à mon sujet, ça. You're so handsome. T'es tellement un bel homme. C'est ça que ça veut dire, ça. Moi, je vous donne des cours d'anglais, en plus. Je suis un vrai Michel Brûlé. Je pourrais mettre à chanter, ça. Mais je le ferai pas. Juste pour vous, je le ferai pas. Do you know what we threw away? Burning stars beneath our miles away. You wrote in your book is true. The trees have taken sides against us again. miles away. What you wrote in your book is true. The trees have taken sides against me and you. Check the weather outside, you'll find it's just Le nouvel album de World of Science, Make Out Music by World of Science. On vient d'entendre Should I Love You Forever, ou juste avant c'était Is This About Settling, voyons, et juste avant c'était You're So Handsome. Voilà, ça c'est le nom des pièces approximativement. Dans cette, en fait, c'est un groupe de Vancouver en Colombie-Britannique. C'est du pop mélodramatique, émotronique, indie. C'est les seules informations que j'ai là-dessus. myspace.com/World of Science et leur site web. J'étais en train de dire que dans la deuxième heure du poste d'écoute, on a entendu Gérald Gentil. L'album s'appelle Le plus grand chanteur de tous les temps. Ensuite, Fine Frenzy avec One Cell in the Sea. Michel Brûlé avec Tu zappes ta vie. On vient de terminer par World of Science avec Make Out Music by World of Science. Et on va terminer la deuxième heure par du reggae de Andrew Branch. Son album s'appelle The Only Constant. On va y aller avec la pièce Everywhere I Go. Il vient de Halifax en Nouvelle-Écosse et il veut ramener le vrai reggae dans le monde de la musique. On s'en va entendre ça à l'instant même. Et si vous voulez plus d'informations, c'est halfwaytree.ca ou le myspace.com/halfwaytree. Vous êtes au poste d'écoute au 89.1 FM. Restez là, la troisième heure s'en vient. Me and when I'm feeling lonely, we got to unite. We'll all come together as one. Confrontation, but we the C'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui écoute les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et pour cette troisième heure, ben, je vais être accompagné par Danny Janvier. Allô. Allô, Danny Janvier, oncle Dan. Allô, hein, ça vient de ton émission, la connexion. Vous me alors. Avec, qui, c'était, je m'avais vu, c'était... Dave. Ouais, c'est quoi son nom? Allô. En tout cas, allô. C'est très sympathique, très en tout cas. Faudrait qu'on ramène ces expressions-là. Là. Oui. Comme dire que quelque chose va jouer... Là. Pendant que tu payes sur le bouton, c'est là. Là. Ça, c'est, j'aime bien ça faire ça. On commence la troisième heure. Premièrement, Danny, de quoi tu vas nous parler plus tard? Je vais vous parler de Puto Mayo, très connue, série très connue, qui nous offre Euro Groove, que j'ai pas vraiment apprécié, mais bon, qui est quand même bien fait. Bon, c'est au moins ça. Hein? Eh oui. Mais on va commencer par Anne Vreen, de son nouvel album s'appelle When We Were Spies, et tout de suite voici If We Are Not Spies, dans le poste d'écoute. Où ça? Ouais, hey, c'est fou, 89 FM, ici même. Là! I'm can't escape the water holding back the sea. Like the rain on this old raincoat, you're still reaching me. Running through a river wall. Now I can't let you go. This is how the river feels. C'était vraiment pas bon, ça. C'est un son très sifouesque. Oui, ouais, c'est vraiment dans nos cordes. Ça va se retrouver sur le palmarès. Ça va ce soir. Corde, j'aurais un corde dans le sens où on va se pendre avec. Ah, OK. C'était très bon. Palmarès, tu dis? Ben oui. Je le sens, je le sens. Pourtant, ça avait l'air bon en regardant la pochette, une fille espionne avec une valise dans des escaliers. Le palmarès c'est... citron. Ouais. C'est vrai qu'il y en a ailleurs, le palmarès citron. Moi, j'y ai pensé faire le palmarès des Peyton qui jouent pendant la semaine, t'sais. Mais ben, bon, ça serait cool. Ce serait pas très sympathique pour ceux qui ont fait jouer. Hein, ouais. En tout cas. On veut pas être négatif, on veut pas faire de peine à personne. C'est ça. C'est fou, faut faire attention. On flatte dans le sens du poil. Donc, on a entendu les pièces Central Park Monday, précédées de If We Are Not Spies, de son nouvel album When We Were Spies, une artiste canadienne mélodramatique punk. Je veux savoir, la première tour était moins pire. Moins pire un peu. Ça faisait country la deuxième. Pas nécessairement bonne, mais moins pire. Reba McEntire, la deuxième. Emotronic. C'est quoi, c'est de l'Emotronic? Emotronic. OK. C'est pas Emotronic, pas en tout ce que j'ai entendu, non, hein? En tout cas. En tout cas. Non. Anne Vreen, qui écrit, qui joue du piano et puis qui chante. AnneVreen.com, V-R-I-E-N-D.com ou encore MySpace.com, / Anne Vreen, ou passer par le unechance.com. C'est pas son premier album, là. Il y a les albums sur le MySpace que vous pouvez acheter si ça vous intéresse. Maintenant, ben, on arrête de faire comme dans un poste d'écoute avec les pièces en ordre, même si dans ce cas-ci, ça va un petit peu continuer. Mais on passe au bloc fidèle au poste de Danny Janvier. Bonjour. Salut Mathieu. Ben oui, c'est ça. On va rester dans le même concept. On va jouer la première et la deuxième pièce. Mais tout d'abord, je vais vous parler de quel album on va écouter les pièces. Eh bien, vous connaissez bien, si vous êtes fidèle au poste d'écoute, ou l'ancien chasse au coureur. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, c'est chasse. La chaste coureuse. Eh bien, vous connaissez la série Puteau Maillot qui doit faire des millions de dollars. Il doit fonctionner à fond parce qu'il toujours nous offre des compilations. Est toujours d'une grande qualité, J-Pack, avec un livre qui a genre 40 pages d'informations, toujours traduit en anglais, en français, en espagnol. Donc, une superbe série. Et je pense que c'est pour ça. Je pense qu'ils ont bien ciblé leur clientèle. C'est genre jeunes branchés de 25 à 45 ans, professionnels, et qui veut découvrir, et qui se sent branché en écoutant du Puteau Maillot et qui parle de ça en buvant un martini. Parlant de martini, ben c'est ça. Cette compilation est totalement dans cet esprit. C'est la compilation Eurogroove qui se retrouve sur Putumayo Groove, parce qu'on a Putumayo Kid, on a Putumayo World, on a Putumayo Groove. Donc celle-là se retrouve sur Putumayo Groove, qui propose de plonger au cœur de ces mélanges passionnants qui font vibrer le monde entier en alliant musique traditionnelle et contemporaine. Et ils disent que l'Europe fait figure de vitrine incontestable de cette tendance. Donc cette compilation Eurogroove, ils ont choisi de présenter des artistes et des chansons qui reflètent les sonorités de la nouvelle Europe. Dans les boîtes de nuit européennes d'aujourd'hui, vous aurez autant de chances d'entendre des cornemuses italiennes que des violons ou bien des musiques bossa nova et R&B latino. Cette compilation est à la fois très élégante, pour ça je vous disais le martini, et remplie d'émotion. Ils espèrent que leur sélection nous fera voyager sur la scène des musiques européennes multiculturelles actuelles. C'est un beau texte. Oui, bien écrit. Vous voyez, c'est bien écrit, peut-être moins bien lu par contre. Non, arrête. Mais on va écouter des pièces. On va commencer par Toufik Farouk avec en featuring Jeanne Haddad. Et puis, ben, je vous dis un petit texte. Ensuite, on s'en va écouter la pièce. Est-ce que ça va te voir? Vas-y. Toufik Farouk est un saxophoniste expérimental qui allie jazz, musique électronique, pop et musique arabe. Originaire du Liban, Farouk vit à Paris depuis une vingtaine d'années. Il est devenu l'une des figures emblématiques d'une scène parisienne à la fois multiculturelle et avant-gardiste. Farouk a fait ses études à l'École normale supérieure, l'une des meilleures écoles de la musique de la capitale. Il est chef de file de l'Absolute Orchestra, un ensemble qui joue sur toute une gamme de styles en utilisant des instruments moyen-orientaux traditionnels comme le ney, qui est une genre de flûte, ou l'oud, qui est un genre de luth, genre de guitare. Aux côtés de guitare électrique, de synthétiseur et de trombone. La pièce qu'on va entendre, Destin et Désir, est un extrait de son album Tutia, sorti en 2007, et on y retrouve l'artiste française Jeanne Haddad au chant. Ici, Haddad est soutenue par des cordes luxuriantes et par un rip funky relâché, le tout agrémenté de quelques notes d'instruments moyen-orientaux comme le kanoun, un instrument comparable à une sitara. Donc, on va l'écouter de ça tout de suite et on va en écouter un autre petit après. Et moi, juste pour vous dire mon appréciation, j'ai pas vraiment aimé ça. Non. T'en parleras avec quelqu'un au téléphone. Tu diras, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ding, ding, ding. C'est le poste d'écoute. Ding, ding, ding, c'est le poste d'écoute. Ding, ding, ding. Amour fou des aventures. Vivre à toute allure, comment peut-on les réunir? Destins et désirs, je veux tout et je ne veux rien. J'ai pris tant de chemins, on dirait que celui-là me conduit jusqu'à toi. Toujours à mi-distance, entre la question et puis la réponse. Tu dis parfois tellement d'incohérence. Quelle élégance, ton rire est comme une évidence. Quand tu t'énerves, on dirait que tu danses. Je voudrais t'épuiser, mais sans souffrance. Dans la transe. Oh, vous êtes toujours au poste d'écoute avec Mathieu Plante, le Mathieu Plante et moi-même, Danny Janvier. Je suis là pour vous présenter de la, vous présenter la, la compilation Eurogroove. Il y en a-tu tant que ça des Mathieu Plante? Non, il y en a qu'un. Qu'un seul! Là, la Mathieu Plante. Et tantôt, juste avant la pause, on a écouté la pièce Désir et Destin et Désir de Toufik Farouk et Jeanne Haddad. Et puis, ben, comme je te disais, Mathieu, dans la description, hein, c'est très... ça s'adresse vraiment aux jeunes, jeunes adultes branchés. Trendy dans le vent. Qui se croient trendy et qui se croient dans le vent. Moi, c'est plus ça que je dirais. Okay. La prochaine pièce est dans la même optique parce qu'on sait qu'ils ont quand même une, comment je peux dire, un talent pour mettre des pièces qui fit ensemble. Donc, la pièce est vraiment similaire. C'est la formation Jazz à mort et la pièce Nuit magique. Je vous parle un peu de Jazz à mort, qui est un duo allemand composé de la chanteuse Bettina Mitschke et du claviériste Roland Grosch, formé en 2001. Jazz à mort interprète des mélanges édulcorés. Édulcorés, on voit tout de suite que c'est très doux pour les fesses. Et agrémenté de quelques notes de jazz, de musique électronique, de rétro et d'acoustique. Le tout soutenu par des influences de bossa nova brésilienne, de variété française, des rythmes latino et du R&B américain. Tout ce que j'aime. Ben oui. Ah, que j'aime pas ça. C'est vraiment tout ce qui est le plus quétaine, en tout cas. J'imagine vraiment les jeunes, comme je te disais, branchés un dimanche après-midi, travaille sur son ordinateur, avec sa coupe de vin, ou encore mieux, son martini. Ils ont sorti leur premier album, Lazy Sunday Afternoon, en 2002, suivi de A Piece of My Heart en 2004. Ces deux albums ont permis au groupe de se faire remarquer à la fois sur la scène jazz européenne et sur celle de la musique dance. Je vois pas où ce qu'ils voient le dance là-dedans, mais en tout cas. Leur troisième album, Travel, la pièce dont est tirée celle-là, on y retrouve une palette éclectique de chansons inspirées par des lieux qu'ils ont visités ou dont ils ont rêvé visiter, comme le Tibet, le Rio de Janeiro, l'Antarctique, l'Écosse ou encore l'Australie. Nuit magique a été inspirée par une des plages exotiques de la Martinique, une île des Antilles françaises. Cette chanson reflète au cœur même de ses paroles l'ambiance chaude et humide que l'on retrouve dans les Caraïbes. Mitschke nous chante en français l'histoire de rendez-vous romantique et sensuel et elle nous dit, un petit extrait comme ça, « Tes lèvres sur ma peau me font frissonner, je suis une déesse sous tes douces caresses. » Ouh! Vous voyez que c'est très doux pour les fesses, justement. Donc, allons écouter cette pièce très, très, très édulcorée de la formation Jazz à mort, la pièce Nuit magique, tout de suite au poste d'écoute. Tes lèvres sur ma peau me font vibrer. Donc, ce que vous venez d'entendre, eh bien, c'était formation Jazz à mort et la pièce plus magique. Juste avant ça, c'était la pièce Destin et désir de Toufik Farouk et Jeanne Haddad. Une excellente suggestion si vous voulez offrir un album à votre ma tante qui se croit branchée. OK. Merci, Danny Janvier, pour la bloquer. C'était l'Eurogroove de Puto Mayo. Absolument. Fidèle au poste, comme à chaque semaine, mais Danny Janvier. Ça donne pas le goût d'aller visiter l'Europe, par contre. Non, hein. Non. Ça donne peut-être le goût d'aller visiter le www.unechance.com. Oh oui! Hein, pour en savoir plus sur l'album et sur tout ce qu'il a joué aujourd'hui, les semaines dernières et les semaines futures peut-être. Oui, mesdames, messieurs. C'est ça. On est rendu à du Canadien dans le poste d'écoute, l'émission qui écoute les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Prochain album, c'est Proof of Ghosts. Leur album est éponyme. Et voici tout de suite Genevieve, Geneviève précédée de I'm Coming Home. Ah, vas-y. Ah, OK. Vas-y, chez vous. Down the road, down the lane, in a dream I heard you say I'm coming home. Past burnt out cars, charred remains, laughter down the interstate, I'm coming home. Where the age vast open fields and unmarked graves. Oh, changing gears and changing lanes, but every mile looks the same. Mensonges des journaux, des médias, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça arrive jamais. Comme demande de l'Université Laval, t'as vu la publicité à la télé? Non. C'est une lectrice de nouvelles qui dit, bon, vous votez pour la tragédie du jour, appelez-nous. Votez numéro 1, c'est le tremblement de terre. Numéro 2, l'écrasement d'avion. 3, l'attaque terroriste. Genre. Là, ça dit, l'Université Laval, qu'est-ce qu'on va faire avec les médias? Genre. Bon, ça ressemble vraiment à ce qui est un bon portrait des médias au Québec. Et voilà, les journaux, la télé, tout est là. Sauf le journal sur le campus de l'université, en kiosque partout à Trois-Rivières. Hein? Une nouvelle édition là, qui sort lundi. En ce moment, bientôt, ouais, lundi. On vient d'entendre Proof of You of Ghosts. Proof of You, c'est un autre groupe. C'est Proof of Ghosts. N'importe quoi. Leur album éponyme, c'est un groupe qui vient de Toronto en Ontario. C'est de l'indie folk rock psychédélique. myspace.com/Proof of Ghosts. C'est psychédélique ce qu'on vient d'entendre? Ils se disent psychédéliques. Ah, ok. C'est selon leur MySpace. C'est pas toujours vrai ce que les gens disent. Non, hein, c'est comme n'importe quoi. C'est louche un peu. Ça semble que tu te donnes une description qui est supposée te ressembler. C'est ça, parce que si tu mens, les gens vont s'en rendre compte. Ben, c'est parce qu'ils vont écouter du psychédélique, ils vont dire OK, où est le psychédélisme là-dedans? Les membres sont Steve Shue, Mike Ocko et Mike Duffield. Allez sur leur MySpace pour entendre plus de pièces de leur part. Moi, j'ai pas vraiment trippé là-dessus du tout. Là. J'ai pas vraiment aimé ça. Non. Mais bon, donc MySpace.com/barbecue Proof of Ghosts. Il nous reste le temps pour peut-être un dernier album. Je dis ça, je suis pas sûr s'il va rester du temps pour un... Non, je pense que ça va être pas mal le dernier. C'est celui de Aaron, qui est un groupe français. Ça vient de Paris, Aaron. Leur album, c'est Artificial Animals Riding on Neverland. C'est de l'alternatif. On va entendre la pièce qui ouvre cet album et c'est Endless Songs. Elle va finir un jour. Elle n'aura pas le choix. Il faut bien terminer l'émission. J'espère. Les maudits. Elle a besoin d'être bonne. C'est... C'est le poste d'écoute. Et c'est bon jusqu'à la dernière goutte. Ou coûte. Poste d'écoute. Non, dernière goutte. Ça fait. Pas du goutte. Non. Ça rime. Ouais. Bon, on aime ça. Quand ça rime, c'est vrai. De toute façon, on le dit. Is it hard to go on? Make them believe you are strong. Don't close your eyes. All my nights felt like days. So much light in every way. Just blink an eye. I used to be someone happy. You used to see smiles, all is fake. Let me come in, I feel sick. Give me your arm. From the shadow to the sun, only one step and you burn. Don't stay too high. I used to be someone happy. Why in your tears I can smell the taste of fears. It's all around. All my laughs, all my wins, they are graved inside your ring. You were all mine. I used to be someone happy. C'est français, ça. La pièce Endless Song, qui termine cette émission du poste d'écoute. Si vous voulez plus d'informations sur Aaron et ses membres, Simon Buret, Olivier Coursier, en fait c'est les deux seules personnes du groupe Aaron, hein. C'est le myspace.com/AaronRecordings ou encore le AaronWebsite.com. Aaron, c'est A-A-R-O-N. Peut-être que les Français disent Aaron dans les émissions, là, traduit, c'est souvent Aaron. Très beau nom. Sûrement. Aaron. Ouais. Nous, ben, c'est la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Donc, petit résumé de la troisième heure. On a entendu Anne Vriend avec When We Were Spies ou Vriend. Ensuite, Putumayo Presents Eurogroove que Danny a pas tellement aimé dans son bloc fidèle au poste. Proof of Ghosts avec leur album éponyme. Et finalement, Aaron, l'album s'appelle Artificial Animals Riding on Neverland. Danny Janvier, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mathieu. À la semaine prochaine. Continue ton bon travail. T'es fine, toi aussi. Moi, je retrouve la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo les jeudis à 11h, les mardis à 9h et dans les palmarès c'est fou, vendredi soir à 17h, mercredi maintenant à 15h. Le poste d'écoute est toujours en direct les vendredis à 10h. On rappelle les samedis et mardis à 13h. On écoute les nouveautés musicales avec vous pour la première fois. C'est tellement un bon concept, n'est-ce pas? À la semaine prochaine, tout le monde, faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. On se quitte avec, On écoute, en se quittant, U-Turn, Lily, de Aaron. Yeah. Bye. C'est comme le poste d'écoute. Le poste d'écoute. De quoi que t'es un gros minet? Non, fallait être là au début de l'émission. Oubliez ça. Bye. You can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. You know there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's not the winds that make the end of. Have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. Cause you're the best things life ever made. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. is calm and quiet. Small grace, white birds higher. You know fireworks and fairy tales and dragonfly in my summer mind. Soft sand, dark skin, palm trees and sun cream. Easy talking in the bed, I drink your lies with some Corona. The heat smells good close to your head, right in the streets of Barcelona. Dangerous looks fake and beautiful mistake. Oh, how come such a big storm in his green eyes? How come such a big storm in his green eyes? Easy talking in the bed, I drink your lies. Easy talking in the bed, I drink your lies. Easy talking in the bed, I drink your lies with some Corona. And the heat smells good close to your head, right in the streets of Barcelona. Talking in the bed, I drink your lies with some Corona. Hell, the heat smells good close to your head, right in the streets of Barcelona. Stuck on yours, Mr. K, Mr. K. Instead of mine, no. fish for real. A fish is a better friend than a human, and that's for sure. My goldfish died today. My goldfish died today, Mr. K. Mr. K. I name it Jack the Ripper, a psycho underwater. The only living memory is showing how you stabbed me. On termine l'émission cette semaine en couronnant notre poste d'or. L'album de la semaine, c'est Le Roi Poisson, le EP numéro 1. Et tout de suite, voici la pièce J'en veux dans le poste d'écoute au 89.1 FM.